إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on a expliqué hier des choses qui ont rapport avec Al-Qadr et la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a au sujet de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et on a expliqué que ça faisait partie de la aqidah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et que c'est la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a et là on continue encore dans ce même sujet et on continue à expliquer d'autres points par rapport à la croyance du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Donc le cheikh il dit, aujourd'hui c'est le cours numéro 9 pour le spécifier. Donc le cheikh il dit wala mahida li ahad an al qadar al mahdud wala yatajawazu wala yatajawazu ma khutta lahu fi al lawh al mahfuz fi al lawh al mastur wala yatajawazu ma khutta lahu fi al lawh al mastur. Donc le chef, le chef Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit quoi? Il dit on ne peut pas s'enfuir. Personne ne peut s'enfuir de ce qui a été prédestiné pour lui. Et qu'est-ce qui a été délimité pour lui dans sa prédestination. Et personne ne peut dépasser la ligne qui a été tracée et qui a été écrite dans les tables préservées. Donc ça c'est des points qui ont rapport avec la prédestination encore une fois. Donc, Lawh al-Mastur, c'est oui, c'est la même chose que Lawh al-Mahfuz, c'est juste une autre appellation pour celui-là. Le Cheikh dit wa kadhalika. Cheikh Salih al-Fawzan, il explique cette parole du Cheikh. Il dit kadhalika ayban yu'minu al-Shaykh wa ahlu as-sunnah wal jama'a yu'minun annahu la mahida lil-insan 'an al-qada' wal-qadar alladhi qaddarahu Allah 'azza wa jalla. خلافا للمعتزلة الذين يقولون العبد يستطيع أن يفعل وليس لله عليه إرادة ولا سيطرة وأهل السنة يقولون إنه يقدر سبحانه وتعالى على العبد امتحانا وابتلاء لأجل أن يصيبه أو يعاقبه وقد يقدر الأشياء على العبد عقوبة له فالعبد يفعل الأسباب والله جل وعلا يرتب على الأسباب نتائجها فإن فعل أسبابا طيبة رتب الله عليها نتيجة طيبة وإنه إن فعل أسبابا محرمة رتب الله عليها نتيجة سيئة كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Le Cheikh dit que également le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, de même que Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils croient tous dans le fait que personne ne peut s'enfuir, personne ne peut sortir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et a décrété pour l'être humain. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, c'est ça ce qui arrive et personne ne peut s'en sortir. Contrairement aux Mu'tazila qui disent que l'être humain il est capable de faire ce qu'il veut et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune volonté et aucun pouvoir sur lui. Ensuite le Cheikh il dit que les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour les êtres humains des choses pour les tester et pour les mettre à l'épreuve. Hein? S'il n'y avait pas eu de prédestination de cette manière, eh bien, il n'y aurait pas eu d'épreuve pour l'être humain. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné des choses qui se produisent dans sa vie, et ça, ça a été pour le mettre à l'épreuve, dans le but de le punir ou de le récompenser selon ses actions, selon ce qu'il fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc prédestiné les choses pour l'être humain. Et parfois c'est pour une punition pour lui. Donc l'être humain, lui, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est uniquement, il a à faire les causes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met comme conséquence de ces causes-là les résultats qui vont suivre ces causes-là qu'il a fait, ces actions qu'il a fait. Donc si quelqu'un fait des causes qui sont bonnes, alors Allah subhanahu wa ta'ala met comme conséquence des résultats qui sont bons à ces causes-là. Et si quelqu'un fait des causes haram, qui sont interdites, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre comme résultat de ces causes qu'il a fait là, il va faire en comme conséquence à ces causes-là des résultats qui sont mauvais également. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te met dans différentes situations dans ta vie qu'il a prédestinées pour toi. Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde comment tu réagis dans ces différentes situations dans lesquelles il t'a mis. L'important, c'est pas réellement l'important, c'est pas réellement le résultat, qu'est-ce qui arrive. Mais l'important, c'est plutôt ta façon à toi, comment tu réagis dans ces situations-là, et ton intention. D'accord? Est-ce que dans ces différentes situations-là, tu réagis d'une manière qui est en accord avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce qu'il t'a ordonné de faire? Et est-ce que tu as les bonnes intentions dans les actions que tu fais, ou non? Tandis que le résultat, est-ce que tu vas réussir à le faire ou non, ça c'est autre chose. Hein? Donc, c'est comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire en sorte que quelque chose t'arrive dans ta vie. Un accident, puis t'es paralysé, tu peux plus bouger. Hein? Que Allah nous en épargne de ça. Mais c'est juste pour un exemple. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné cette épreuve-là. Maintenant, comment tu vas réagir à cette épreuve? Est-ce que tu vas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu vas être patient? Est-ce que tu vas endurer? Ensuite, est-ce que tu vas avoir la bonne intention, wa alaykum salam wa rahmatullah, dans le sens que tu vas accepter de te soumettre encore à Allah subhanahu wa ta'ala malgré cette épreuve, et que tu vas dire, bon, maintenant, je ne peux pas faire la salat comme je faisais avant, debout, prier, prosterner, incliner, faire le sujou, le recours et tout, mais est-ce que je ne vais pas faire la salat de la manière que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné dans la situation dans laquelle je suis? C'est-à-dire de prier comme tu es capable de le faire, hein, en bougeant les yeux, ou bien, juste des fois, même si tu n'es pas capable de bouger rien du tout de ton corps, tu le fais, hein, dans ton cœur, tu fais ta prière avec dans ton intention, parce que tu ne peux pas bouger rien, tu es paralysé complètement. Hein, et ça, c'est arrivé à des gens, comme ça pour rien. Du jour au lendemain, ils ne pouvaient plus bouger, hein, même plus rien. Et même, il y a une histoire d'un homme, hein, c'était un cas à faire. Mais bon, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un accident comme ça, du jour au lendemain, il ne pouvait plus bouger. Il pouvait juste bouger un œil, hein, une paupière. Hein. Et puis, il a écrit un livre comme ça, avec ses yeux. En tout cas, c'est vraiment une histoire incroyable. Mais c'est arrivé à un cas, c'est rien. Mais ça arrive comme ça souvent. Ça, c'est des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à des gens. C'est comme il y a même des musulmans parfois. Comme il y a des choses qui se passent dans les pays musulmans, et puis, par exemple, il y a des choses qui se passent, par exemple, en Palestine. Et puis là, à cause de qu'est-ce qui se passe là-bas, ils deviennent haineux. Ils ont la haine contre tout ce qui se passe, par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman. Ils pensent juste à se venger. Et de n'importe quelle manière. Que ça soit en accord avec l'islam ou non, c'est pas grave. On veut juste les tuer, puis les exterminer, puis on veut rien d'autre, hein. Même si ça dépasse les limites d'Allah, ça ne dérange pas. C'est pas pour Allah qu'on le fait, c'est pour notre vengeance personnelle qu'on le fait, c'est tout. Et donc, si c'est comme ça, ça c'est pas la manière de réagir face à ces épreuves. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qu'il y a des choses qui se produisent dans cet univers, et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir comment toi tu réagis dans ces réactions, dans ces situations-là, et est-ce que tu vas réagir selon les règles de ce qu'il t'a ordonné de respecter ou non. Hein? Donc ça c'est important. L'important c'est pas ce que les autres vont faire autour de toi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont transgresser, qui vont faire des choses qui sont pas correctes. Mais toi, tu vas être jugé pour qu'est-ce que toi tu as fait toi. Tu vas voir au jugement dernier, Allah va te remettre ton rapport à toi, ton livre à toi, qu'est-ce que toi tu as dit, qu'est-ce que toi tu as fait. Hein? Donc si quelqu'un a fait une erreur, c'est sûr que ça va t'influencer, mais toi ta réaction à cette erreur-là, c'est là-dessus qu'Allah va te juger. On est tous en fait des épreuves les uns pour les autres. On est tous là pour être testés et pour tester les autres en même temps. C'est que si ça sort pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va épargner à sa umma qu'est-ce que les gens ont eu comme pensée tant qu'ils ne le disent pas ouvertement. D'accord? Donc, si quelqu'un a eu des mauvaises pensées ou des soupçons ou des choses comme ça, puis qu'ils ne l'ont pas dit, donc ils ne seront pas tenus compte pour ça. Wallahu a'lam. Bien sûr, s'ils pensent le bien, ils auront l'intention du bien, il va être récompensé pour le bien. Et il y a un hadith qui dit aussi que celui qui a eu une mauvaise intention de faire quelque chose, puis qu'il ne l'a pas fait, il va être récompensé pour le fait, parce qu'il ne l'a pas fait. Puis celui qui a eu une mauvaise intention, il voulait faire quelque chose de mal, puis qu'il l'a pas fait, qu'il l'a fait, ça sera compté juste comme un seul péché, et non pas plus. Tandis que s'il a la bonne intention de faire quelque chose de bien, puis qu'il le fait, il aura une récompense multipliée en rapport à ça. Donc le chef, il explique que donc, il y a les causes. Si tu fais les bonnes causes, Allah va te donner un résultat qui est bon. Si tu fais les mauvaises causes, tu vas avoir un résultat qui est mauvais. Ce sera toujours en conséquence avec ce que tu as fait. Ensuite, il mentionne le verset 5 à 7. Dans Surat Al-Layl, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Celui qui a obéi et qui a craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui a eu taqwa et qui a cru en le bien, hein, qui a cru en le bien, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter la voie vers le bien. » Donc c'est pour dire que tu fais le bien, Allah te récompense en te facilitant le bien. Et le contraire, la même chose, si tu fais le mal, Allah subhanahu wa ta'ala te punit en te facilitant le mal. Donc le shaykh dit فَالسَّبَبْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ وَالنَّتِيجَةُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ يُثِيبُ أَهْلَ الطَّاعَةِ وَيُيَسِّرُهُمْ لِلْيُسْرَى وَيُعِينُهُمْ وَيُعَاقِبُ أَهْلَ الْمَعْصِيَةِ فَيَتْرُكَهُمْ فيتركهم يتمكنون من هذه الأفعال عقوبة لهم لأجل أن يؤاخذهم ويعاقبهم بسبب نياتهم الخبيثة بسبب تصرفاتهم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى العبد هو المتسبب والله سبحانه وتعالى يقدر عليه نتيجة لعمله هو ونيته هو إما ثوابا وإما عقابا ولهذا سأل الصحابة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين لهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل قال لا قال صلى الله عليه وسلم لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأنزل الله هذه الآيات فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فلا يجوز للعبد أن يتوقف ويقول إن كان قدر لي أن أصير في الجنة فأنا في الجنة وإن كان مقدرا أن أكون أو إن أنه في النار يصير في النار هذا لا يجوز والعبد لا يطرد هذا في أفعاله هل يجلس الإنسان ويترك طلب الطعام والشراب ويقول إن كان الله مقدرا لي الطعام فسيأتيني وأنا جالس وسيأتيني الشراب وأنا جالس لا يقول هذا بل يقوم ويبحث إذا جاء يقوم ويبحث عن الطعام وإذا عطش يعني يقوم ويبحث عن الماء ولا يقول إذا كان الله مقدرا لي الطعام والشراب سيأتيني لأن فطرته تقتضي أن يتحرك ويبحث الشيخ الزي que les causes viennent de l'être humain. L'être humain, c'est lui qui fait les causes, ok, pour arriver à son résultat. Mais le résultat, c'est Allah qui lui donne. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh, il dit que la cause, ça vient de, c'est l'être humain qui le fait, la cause. Mais le résultat, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va récompenser les gens qui ont obéi, et il va leur faciliter le bien, et il va les aider à faire le bien, et il va punir les gens qui ont fait le péché, hein. فَيَتْرُكُهُمْ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عُقُوبَةً. Allah subhanahu wa ta'ala va les laisser faire ces actions de mal là, comme punition pour le fait qu'ils ont fait le mal et qu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des fois, parfois, vous avez des gens musulmans qui disent qu'ils veulent établir l'État islamique, qu'ils veulent établir l'islam sur la terre et tout. Et ils pensent que le but, que ce que Allah nous demande, c'est le résultat. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le résultat qu'il nous demande. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de faire les causes et de faire les efforts de la manière qu'il aime, lui, et qu'il nous ordonne de respecter. Et c'est pas l'important pour nous, c'est pas le résultat. Est-ce qu'on va arriver à l'établir ou non? L'important pour nous, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour y arriver, hein, pour établir l'islam, pour établir le bien, pour ordonner le bien et interdire le mal, pour établir la salat, établir qu'est-ce que Allah aime sur la terre. C'est pas est-ce qu'on va réussir ou non l'important. Parce que ça, c'est Allah qui décide. Peut-être qu'il va nous faire réussir ça, peut-être que non. Mais l'important, lui, il va nous juger et il va nous récompenser ou nous punir selon les causes qu'on a, les moyens qu'on a pris pour arriver à ce résultat-là. Est-ce que ce sont des moyens qui sont permis dans l'islam? Est-ce que ce sont des moyens qui sont légiférés dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien est-ce que ce sont des moyens qui sont interdits dans l'islam et des manières qui sont incorrectes et qui sont pas acceptées par Allah et son messager? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des musulmans qui pensent que non. L'important c'est le résultat. Peu importe comment tu le fais, comment tu vas arriver à le faire, l'important c'est de le faire. Non. Ça c'est parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Donc, le cheikh il dit, l'important, toi tu fais les causes et tu fais les moyens, tu prends les moyens pour arriver à ce que tu veux faire. Le résultat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Et il récompense pour l'obéissance et il punit pour le péché, comme on a dit. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il punit parfois les péchés par en facilitant aux gens de faire des péchés quand ils essaient de les faire. Hein? Il leur facilite ça comme punition pour eux, pour leurs mauvaises actions et pour leurs mauvaises intentions, et à cause de leur comportement. Donc il mentionne le verset 8 à 10 dans Surat Al-Layl, et quiconque a fait preuve d'avarice et qui s'est senti suffisant à lui-même, hein, qui s'est senti qu'il n'a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui traite de mensonge le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants, alors nous allons lui faciliter la voie vers la difficulté, vers le mal. Hein. Il lui facilite le mal parce qu'il a cherché le mal. Celui qui veut le bien, Allah lui facilite le bien. Celui qui veut le mal, Allah lui facilite le mal. Hein. Et il dit, فَالْعَبْدْ هُوَ الْمُتَسَبِّبْ. L'être humain, c'est lui qui fait, hein, qui fait la cause. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُقَدِّرْ عَلَيْهِ نَتِيجَةً لِعَمَلِهِ هُوَ وَنِيَّتِهِ هُوَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui prédestine les choses selon son intention et selon son action et selon son intention, il aura les résultats de ce qu'il mérite. Soit que ce sera une récompense s'il a fait le bien, et ou une punition s'il a fait le mal, s'il a voulu le mal. Et donc, les sahaba, c'est pour ça que lorsque les sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que tout ce qui arrivait arrivait uniquement par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et par son décret, alors les sahaba ont demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on ne devrait pas juste rester assis puis arrêter de bouger comme ça, et puis attendre juste que le jugement d'Allah arrive, comme ça celui qui va aller au paradis va aller au paradis, celui qui va aller en enfer va aller en enfer, et puis on va juste rester assis comme ça, on va attendre comme ça, on ne va pas bouger, et ce qu'Allah a écrit va être déterminé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit non. agissez, faites des actions, parce que chacun sera facilité pour la chose pour laquelle il a été créé. Donc, le cheikh, il a dit que par la suite, il y a eu la révélation du verset de 5 à 10 dans sourate Al-Layl. Et quiconque a obéi et a craint Allah, et qui a cru en Al-Husna, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera le bien et la facilité, tandis que celui qui a été avare et qui s'est senti qu'il n'a pas besoin d'Allah, qu'il se suffit à lui-même, et qu'il a traité de mensonge le bien, alors Allah va lui faciliter le mal et la difficulté et l'égarement, ainsi de suite. Donc chacun va avoir ce qu'il mérite selon ce qu'il a fait. Et le cheikh dit, il n'est pas permis à un être humain de rester là puis de dire, si Allah a prédestiné que je vais être au paradis, je vais être au paradis. Et si Allah a prédestiné que je vais aller en enfer, je vais aller en enfer. Il dit ça, c'est pas permis de dire ça. Il dit, parce que l'être humain, il agit pas de cette manière-là quand il agit dans sa vie de la dunya. Tu n'agis pas comme ça quand tu agis dans ta dunya. Si tu as faim, tu restes pas assis pour dire quand Allah, si Allah m'a prédestiné que je vais manger, la nourriture va venir sur moi. Non. Tu te lèves quand tu as faim, tu vas manger. Quand tu as soif, la même chose. Tu vas pas dire, ah, si Allah a prédestiné que je vais avoir quelque chose à boire, je vais l'avoir, donc je vais rester assis. Et puis le breuvage va venir sur moi, l'eau va venir sur moi tout seul. Non. Tu vas te lever, puis tu fais les causes. Hein? Tu cherches les moyens qui sont halal et tu fais les efforts nécessaires pour arriver à obtenir ces choses-là que tu as besoin de nourriture et de l'eau. La même chose. Donc, tu dois agir de la même façon dans ce qui a rapport avec la religion. C'est-à-dire, tu veux aller au paradis? Tu sais comment y aller? Tu sais ce que tu dois faire pour y aller? Pour y arriver? Alors, fais les causes nécessaires et puis, à la fin, mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Fais les efforts et puis tu vas l'avoir. Hein. De la même façon que lorsque tu as faim, tu sais quoi faire pour trouver de la nourriture, alors fais les causes et puis tu vas manger. La même chose. Hein. Il n'y a pas de différence entre les deux. Après, le cheikh il dit ولو أن إنسانا جاء وضربه أو قتل ابنه هل يسكت؟ هل يقول هذا قضاء وقدر؟ أو يطلب الانتقام؟ الجواب يطلب الانتقام. ولما لا يقول هذا قضاء وقدر ولا يؤاخذ القاتل أو الضارب ولا يطالب بالانتقام؟ هذا دليل على أن الأشياء لها أسباب وأن العبد مطلوب منه فعل الأسباب ولا يبقى بدون فعل الأسباب. الله سبحانه وتعالى رتب المسببات على الأسباب حتى الطيور والحيوانات لا ترى هذا الرأي. هذا الرأي لا تقعد في أوكارها وتقول سيأتيني الرزق أنا في وكري وعلى هذه الطيور والحيوانات، بل تروح وتبحث عن الرزق لأن الله فطرها على هذا أنه لا يحصل لها شيء إلا بعمل وحركة وبحث. وفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Donc le cheikh explique un autre point pour montrer l'exemple. Il dit si quelqu'un par exemple vient puis il te frappe, ou bien quelqu'un il tue ton fils, est-ce que tu vas te taire? Est-ce que tu vas rester assis? Tu vas dire ça c'est prédestiné, c'est Allah qui a décrété ça, je peux rien faire, je vais pas rien faire, je vais rester assis. Hein? Si quelqu'un vient et te frappe, tu dis ah ça c'est qadar. Puis tu restes assis, hein, tu dis c'est le maktouf et c'est fini. Non, tu dois chercher à arrêter cette personne et puis tu vas essayer de te venger en même temps. Non, soit que tu vas faire arrêter la personne, tu vas appeler la police, tu vas dire lui il est venu, il m'a frappé, ou bien lui il est venu, il a tué mon fils, tu vas le faire arrêter, puis tu vas l'amener en cours, puis tu vas lui faire un procès, tout ça. Tu vas pas juste rester assis puis dire ah ça c'est pas d'or et puis c'est fini. Non, hein. Donc, pourquoi c'est comme ça? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés de cette manière. Il a créé la nature, les êtres humains avec cette nature en eux, cette fitra, hein, de vouloir se venger lorsqu'on fait du mal, hein. lorsqu'on nous fait du mal. Et la même chose, même le cheikh il dit, l'être humain donc, il cherche à se venger quand on lui fait du mal, on ne va pas rester assis ensemble. Hein? C'est ça, ça c'est des gens qui essaient d'utiliser la prédestination comme un argument pour ne pas agir, pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire, ou pour faire des péchés. Ça c'est interdit. Tu n'as pas le droit de te baser ou d'utiliser la prédestination comme un argument ou un prétexte pour ne pas faire ce que Allah t'ordonne de faire ou pour faire ce qu'Allah t'interdit de faire. Et c'est ça ce que ces gens-là font, malheureusement. Ils prennent la foi en la prédestination comme un prétexte, puis ils disent « Ah, oh, moi je ne fais pas la prière parce que Allah il n'a pas prédestiné que je prie. » Ça c'est faux. Hein? Allah t'a ordonné dans le Coran de faire la prière, donc tu dois la faire. Exactement, exactement, c'est la même chose. Donc c'est comme quand t'as faim, tu dis pas, ah, Allah m'a prédestiné que je mange pas, donc je vais pas manger, je vais rester assis jusqu'à ce que je meure. Non, tu dis pas ça, y a personne qui dit ça. Donc tu dis, je veux de l'argent, et donc j'ai pas d'argent, donc je vais rester assis jusqu'à ce que Allah a prédestiné que y a de l'argent qui vienne sur moi. Non, tu te lèves, tu vas travailler, tu te lèves, tu vas manger, chercher de la nourriture, tu manges. Tu ne vas pas rester assis puis dire le risque va venir sur moi tout seul. Et donc pourquoi quand c'est la religion tu penses différemment? Pourquoi quand c'est la religion tu dis ah mais je ne vais pas prier parce qu'Allah ne m'a pas prédestiné. Est-ce que tu ne veux pas aller au paradis? Je dis oui, oui je veux aller au paradis. Ok, tu veux aller au paradis et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit que pour aller au paradis tu dois faire telle ou telle chose. Alors pourquoi tu le fais pas? Hein? Quand c'est la dunya, tu le fais, mais quand c'est la religion, tu changes de logique. Non, ça c'est parce qu'en réalité, ils passent sans aucune preuve et sans connaissance. Et la preuve est contre eux en réalité dans la révélation, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux hommes de suivre le droit chemin. D'accord? Donc, si ces gens-là étaient conséquents et logiques, ils devaient respecter la logique dans les deux cas, dans la dunya comme dans la religion. Pourquoi dans la dunya ils ont une règle d'agir et dans la religion ils changent de façon de penser? Dans la dunya ils travaillent, ils bougent, ils font des efforts pour avoir des choses dans la dunya. Mais pour l'akhira ils font aucun effort et puis ils prennent comme prétexte le qadar. Ça c'est une contradiction. C'est une contradiction. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les choses et ça fonctionne toujours de cette manière-là, avec des causes et des effets. Chaque cause, elle a son effet. Donc c'est comme ça que le monde fonctionne, Allah l'a créé de cette manière. Donc toi tu veux que ça marche différemment, quand tu parles de religion c'est différent, pourquoi? Sur quoi tu te bases pour dire des choses pareilles? Le cheikh il dit, même les animaux, ils agissent pas de cette manière-là. Les animaux, un animal quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il va dehors, il chasse, il va chercher sa nourriture, même les oiseaux, hein? Même les bêtes, hein? Exactement, les animaux, ils sont créés comme ça, ça c'est la fitra d'Allah, hein? Que lorsque tu veux quelque chose, tu dois bouger, tu dois travailler, tu dois faire des efforts pour l'avoir. Sinon tu n'auras rien dans la dunya. Donc dans la religion, c'est la même chose. Et le cheikh il mentionne les versets 30 dans Surat Ar-Rum à ce sujet-là et les versets 50 dans Surat Taha. 30 dans Surat Ar-Rum et 50 dans Surat Taha. Et pourtant, les araignées, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une toile et puis ils attrapent les bêtes dedans et puis après ils vont les manger. Non. Ah oui, non, mashallah, les toiles des araignées, hein. Depuis qu'il y a quelque chose qui bouge dans leur fil, dans leur toile, ils sentent les vibrations, ils savent tout de suite qu'ils ont attrapé une proie. Le reste qui vient. Ah oui, ça c'est vrai. Nous les êtres humains maintenant, au niveau de comment dans la société, comme ici on vit là, on est un peu loin de ce niveau primaire là, quand on cherche notre nourriture directement dans la nature, hein, comme avant. Ouais, on va marcher. Mais avant, c'était comme ça. Tu voulais des fruits, tu vas les cueillir. Tu veux manger de la viande, tu vas chasser, hein. Et la livraison, oui, c'est ça. On est un peu coupé, un peu loin de la nourriture, ouais. Et ceux qui ont des fermes dans les pays musulmans, il y en a beaucoup de gens qui ont des animaux, comme des poulets, des moutons. S'ils ont faim, on dit, ok, va chercher un mouton dans la cour, va chercher un poulet dans la cour, puis on va manger ça. Non, c'est ça. Je lisais justement une fatwa à propos du bon comportement envers les animaux. Cheikh Ibn Uthaymeen a fait une fatwa à propos des trappes à souris, tu sais, les trappes collantes. Et puis le Cheikh Al-Fawzan, il a dit ça c'est haram de mettre des trappes collantes comme ça pour tuer les souris. Ouais, parce qu'il dit qu'est-ce qui arrive si elle est collée sur la fin, elle est pas morte. Donc non, mais c'est pas ça, c'est parce qu'elle va mourir de faim. Et toi tu la laisses là mourir de faim, ça c'est haram. Donc qu'est-ce qu'il a dit le chef? Il dit soit que tu la tues sur le coup, hein, ou bien tu utilises un autre moyen pour les. Ben il y a les trappes à souris là qui clapent, oui. C'est ça avec le fromage donc. Ou bien un chat, t'achètes un chat. Et si t'es allergique, tu prends une trappe à souris là qui clappe. Quand ça l'attrape la souris, elle meurt tout de suite. Non, c'est ça. Parce que l'affaire qui colle là, et une fois j'ai vu même une souris sur ça, et puis elle s'est collée dessus et commence à se manger elle-même sa patte pour se décoller. Oui, j'ai vu ça. Non, tu peux pas. Non, mais elle-même, elle essayait de couper le bras là pour se décoller de l'affaire. Puis plus elle essayait de se décoller, c'est au travail, un endroit où je travaillais, il y avait les gens sont venus pour mettre des trappes collantes comme ça un peu partout. Et puis un matin, je suis rentré, puis il y en avait une, elle était en train d'essayer de s'en sortir. En tout cas, ça, le cheikh a dit ça, c'est pas permis, parce que tu les laisses mourir de faim. Bon, non. Ça, si tu viens puis tu la tues, c'est correct. Mais tu peux pas la laisser mourir comme ça par la faim, par le temps. Sinon c'est comme la femme qui a laissé le chat attaché, puis qu'il l'a pas nourri. Elle est partie en enfer à cause de ça. Le cheikh, il a dit, celui qui attrape les souris avec ça, puis qui les tue pas, il risque d'aller en enfer à cause de ça. Donc c'est grave. Ah ben dans ce cas-là, tu les enlèves et tu mets d'autres pour les trapper avec les clics. Wallahu alam. Le cheikh, il dit, voici la religion de droiteux. On ne sait pas ça c'est. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Donc c'est comme ça qu'Allah a créé la nature de l'homme, des créatures. Ok, il n'y a pas de changement dans ça. Puis c'est lui qui a donné à toute chose sa création et qui l'a guidée par la suite. Après le cheikh il dit فهذه المقولة خاسرة وكاذبة وهي الاحتجاج بالقدر على ترك العمل والمسلم مطلوب منه أن يعمل العمل الصالح وإذا أذنب مطلوب منه التوبة وعنده القدرة على هذا فهو يقدر أن يفعل ويقدر أن يترك ولو ترك العمل عجزا لم يؤاخذه الله ولكن إن تركه كسلا فهو مؤاخذ على هذا وهو مفرط فهناك فرق بين الكسل وبين العجز العجز لا يؤاخذه الله عليه ولكن إذا كسل فهذا يؤاخذ لأنه هو الذي فرط ففطر العباد تقتضي هذا مع دلالة الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit, cette idée, elle est fausse et mensongère. d'utiliser la prédestination comme un argument pour cesser de faire les actions que Allah nous ordonne de faire. Ça, c'est une fausse argument, c'est un faux argument. Et le musulman, il est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de faire le bien et d'agir selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire les bonnes œuvres. Et si jamais il tombe dans un péché, il est ordonné par Allah et commandé par Allah subhanahu wa ta'ala de se repentir de ce péché-là, si jamais il fait un péché. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il a prédestiné que tu fasses un péché. Mais une fois que ce péché-là a été fait, est-ce que ça veut dire que ça y est, t'es condamné, t'es fini? Non. Il y a la porte de la repentance qui est ouverte. Et tu peux toujours corriger le péché que tu as fait en te repentant de ce péché-là. Et ça, c'est un ordre que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne. Donc, le cheikh, il dit, et tu as la capacité de le faire. Donc, l'être humain, il est capable, il a la capacité de le faire, et il a la capacité de ne pas faire quelque chose. Et s'il abandonne une action parce qu'il est incapable de le faire, Allah ne va pas le blâmer. Si quelqu'un, par exemple, comme je disais tout à l'heure, si quelqu'un ne fait pas sa prière debout parce qu'il n'est pas capable de se tenir debout sur ses jambes, il ne va pas être puni par Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir abandonné ça, cette action-là. Parce qu'il est incapable de le faire. Quelqu'un qui a une maladie à une jambe ou qui a un malaise aux jambes et qui n'est pas capable de se tenir debout, il n'est pas puni par Allah s'il prie assis. S'il avait l'habitude de le faire debout avant et qu'il a cessé de le faire parce qu'il est devenu handicapé, il aura quand même la bonne récompense, la récompense de ce qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé, quand il le faisait. La même chose pour le fait que quelqu'un, par exemple, se lève chaque jour pour aller à la mosquée pour le fajr. Puis, à un moment donné, il tombe malade, il ne peut pas aller faire le fajr. Il a encore la récompense de lorsqu'il se levait pour aller faire le fajr, lorsqu'il était en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il avait la bonne intention et il le faisait tout le temps. Et ce n'est pas parce qu'il ne veut plus le faire, c'est parce qu'il est incapable de le faire parce qu'il est malade. Donc c'est ça. Le frère, il veut pas aller prier pendant un mois parce qu'il a une opération dans sa jambe. Mais étant donné que il avait l'habitude de le faire auparavant, Allah lui continue selon son intention à le récompenser pour le bien qu'il fait parce qu'il n'est pas capable de le faire parce qu'il est incapable. Il est incapable. Mais celui qui cesse de faire une action par paresse, pas parce qu'il n'est pas capable, même parce qu'il est paresseux, lui c'est pas pareil. Lui il sera questionné et sera pris pour les comptes du fait qu'il a abandonné cette chose-là par paresse. Hein? Donc, il faut faire la distinction entre l'action que tu cesses de le faire parce que tu es incapable de le faire et l'action que tu cesses de le faire parce que tu es devenu paresseux. La paresse, c'est un signe de ta négligence. Tandis que l'incapacité, ça c'est quelque chose que tu n'as pas le choix. D'accord? Et donc, ça c'est la fitra que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Même dans la dunya, si tu es handicapé ou tu es incapable de faire quelque chose, tu es excusé. Même dans les choses de la dunya. Si tu travailles et puis que tu as un accident et que tu es obligé de rester au lit pendant un mois et que tu dis à ton travail, par exemple, à ton emploi, j'ai eu un accident, je ne peux pas venir travailler pendant un mois, eh bien, ils vont comprendre. Hein? Ils vont pas te dire, ben, ça y est, tant pis pour toi. Hein? Hein? Imagine. Il y en a qui, mais je pense qu'il y en a qui exagèrent un peu des fois, ils en profitent. Il y en a qui mentent et disent que, ouais. Ouais, c'est ça. Ils vont voir un psy, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais donc, il y en a qui exagèrent, qui profitent du système, comme on dit. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, ça c'est pour dire qu'il y a une différence entre les deux. Quand quelqu'un fait exprès, il est incapable parce qu'il est paresseux, pas parce qu'il ne peut pas vraiment. Et quelqu'un qui est vraiment incapable parce qu'il est handicapé ou infirme ou parce qu'il a un problème, les deux sont pas pareils. Après, le cheikh dit wa la mahid, qawluhu wa la mahid ay la mafar an al qadar al mahdud. Walakin antum ma'murun bi fi'l al asbab, amma khalq al nata'ij fa hada bi yad Allah subhanahu wa ta'ala. وقد تفعل ولا يحصل لك شيء وقد تفعل ولا يحصل لك شيء لأن الله لم يقدر لك نتيجة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أنت فعلت السبب ومسألة حصول المقصود هذا عند الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يحصل المقصود فإنك لا تلوم نفسك، فإنك فعلت ما تستطيع، وتؤمن بالقدر بالقضاء والقدر، وتقول لعل الله اختار لي ما هو أحسن، لعل الله اختار لي ما هو أحسن، لأنه لو حصل لي المقصود ربما صار ضررا علي، صار ضرر علي، فالله حبسه عني لمصلحتي ولا تكره ذلك. Donc le cheikh il dit que tu ne peux pas t'enfuir de ce que Allah a prédestiné pour toi, qu'est-ce qui a été délimité pour toi comme prédestination. Vous êtes ordonné de faire les causes et de prendre les moyens pour arriver à votre objectif, à votre but, à qu'est-ce que Allah vous a ordonné de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah c'est lui qui détermine les résultats. Et ça c'est entre la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va arriver comme résultat pour tes actions. C'est Allah qui va décider par la suite. Mais toi, tu fais ce qui est ordonné, tu fais ce qui t'est ordonné. Et ça se pourrait que parfois tu fasses quelque chose et ce que tu veux avoir, tu ne l'as pas. Hein? Même par exemple dans les choses de la dunya, ça arrive tout le temps. Tu vas faire un projet, un commerce, n'importe quoi, et tu vas tout calculer, tu vas faire un plan, hein, tout, comment ça s'appelle, les plans d'affaires et tout, tu vas tout calculer, prévisions, statistiques, sondages, tu vas tout faire, études de marché, hein, tout ça, tu vas dire, bon, là, ça devrait fonctionner, ce business-là, ça devrait aller, et puis tu fais tout ce qu'il faut. Et puis à la fin, ça échoue, hein, parce que t'as fait les causes, t'as fait les efforts, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné que ça marche pas. Le résultat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Mais quand même, pour le bien que tu voulais faire, et pour l'intention que tu as eue, tu auras la récompense. Hein? Ouais, c'est ça. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. À l'université, par exemple, il y a combien de frères qui essaient pour aller à Médine, par exemple, ou pour aller étudier dans d'autres endroits, dans les pays musulmans. Et puis, naam. Et puis, hein. Eh ben c'est ça. Donc, ça c'est le qadar. Il faut pas se décourager. Il faut essayer encore à Médine, à Mecca, plusieurs fois. Non, il faut toujours essayer. Peu importe, même combien de fois. Moi je me souviens, oui, trois fois de suite j'ai appliqué. Ben j'étais pas refusé en fait. J'étais accepté la première fois j'ai pas eu de nouvelles. La deuxième fois j'ai envoyé les papiers, j'ai pas reçu la réponse parce que j'avais déménagé et puis j'ai pas reçu la réponse. Je l'ai su par après parce que, comment j'ai su, c'est parce qu'il y a un frère qui m'avait dit par exemple, si tu veux aller étudier, je connais un prof qui enseigne là-bas, il m'a demandé si je connaissais des gens qui voulaient y aller. Alors moi j'ai dit, ouais j'ai essayé deux fois déjà puis j'ai pas eu de réponse. Il m'a dit amène-moi tes papiers, alors je lui ai envoyé mes papiers, et puis quand il a envoyé mes papiers, il m'a revu, il m'a dit, tu sais toi t'étais déjà accepté cette année. Et puis ils ont reçu tes papiers ont été la lettre d'acceptation elle leur a été renvoyée parce que on a dit que c'était pas la bonne adresse parce que j'avais déménagé et j'avais pas fait le changement d'adresse au bureau de poste donc à cause de ça j'avais pas été mais par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Et moi, j'avais commencé à perdre un peu même l'idée d'y aller. Je m'étais dit que tant pis, ça y est, si je ne suis pas accepté, je ne suis pas accepté. Et j'ai dit, je vais essayer une dernière fois. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a facilité cette fois-là. Et puis je suis parti. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse dans toutes choses. Hein? Et c'est probablement parce qu'il savait que la première fois, ce n'était pas le temps pour moi d'y aller. Et que j'étais peut-être pas encore prêt pour y aller. Puis par la suite, c'était, il m'a facilité les choses. Hein. Donc c'est pour dire. Hein. Donc c'est pas facile d'aller étudier l'islam à Médine. C'est pas comme certains s'imaginent là, comme si un rêve là, il y a beaucoup de gens qui idéalisent les choses. Et attends, ils s'imaginent que c'est un peu comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam encore. Mais la réalité, elle a beaucoup changé maintenant. Donc ils... Oui, c'est ça. Mais Faranaz, il veut savoir pourquoi j'ai... Oui, c'est ça moi que je voulais expliquer. Oui, c'est ça. C'est ça que je dis, la réalité... Elle n'est pas comme on s'imagine aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui, s'imaginent que chercher le ilm c'est comme facile, soit qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de difficulté, que tout va aller comme la science va couler sur toi comme du miel. Là. Non, mais c'est très très difficile. C'est une grande épreuve. Le pourcentage des élèves des États-Unis et de l'Europe qui sont gradués de l'université islamique, c'est moins que 1% par rapport aux autres pays musulmans, c'est un des plus bas. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas la patience. Ils vont là-bas, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les gens, ils vont là-bas, puis ils restent pas. Ils n'ont pas la patience, hein. Parce que c'est très difficile. Oui, oui. C'est ça. Et puis c'est très très difficile. Donc c'est pour ça, il faut que les gens se préparent psychologiquement puis moralement. Non. Donc c'est juste un point en passant. Donc le cheikh il dit ensuite, anta fa'alta sabab. Donc ah oui, le cheikh il dit donc que peut-être tu vas faire un effort puis tu vas pas avoir le résultat. Parce que Allah, il ne t'a pas prédestiné ce résultat-là. Mais, tu fais les efforts et puis, le reste, c'est Allah qui décide. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, fais des efforts pour arriver à avoir ce qui est bon pour toi. Et demande l'aide d'Allah et ne te décourage pas. Et si quelque chose t'arrive de mal, un malheur ou quelque chose comme ça qui t'arrive, ne dis pas, si j'avais fait ça, eh ben, j'aurais eu ça ou ça. Ou si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu ça ou telle chose, hein. Comme souvent des gens disent, ah, si j'étais pas sorti, ou si j'avais pas fait ça, ou si j'avais fait ça, j'aurais eu ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, ne dis pas si, de cette manière, à propos du passé. Parce que qu'est-ce qui a été prédestiné, c'est ça ce qui arrive. Ce qu'Allah veut, c'est ça ce qui se fait. Donc c'est ça ce que tu dois dire. Qaddara Allah, ma sha'a fa'al. C'est-à-dire, Allah a prédestiné et c'est ce qu'il a voulu qui s'est produit. Ce que Allah a voulu, c'est ça ce qui s'est produit. Et c'est ça ce que tu dois dire. Anta fa'alta al-sabab wa mas'alat al-husul al-maqsoud hada 'inda Allah. Toi, tu as fait la cause, tu as pris les bons moyens. Maintenant, la question de est-ce que tu vas avoir ton objectif, est-ce que tu vas atteindre ton but, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu n'as pas ce que tu as, ton objectif, tu ne l'as pas atteint, ne te blâme pas toi-même, parce que tu as fait ce qui est nécessaire et tu as fait ton possible. Et tu crois en la prédestination et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu dois te dire que c'est probablement parce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour toi ce qui était meilleur. Et si ce que tu voulais avoir, si tu l'avais eu, peut-être que ça aurait été un mal pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a retenu, c'est-à-dire il ne te l'a pas donné cette chose-là pour ton bien. Hein? Alors, ne sois pas comme, n'aie pas de, de chagrin ou ne sois pas contre ça, hein? Ne sois pas fâché contre ça par rapport à qu'est-ce que tu n'as pas eu de la dunya. Des fois c'est plus fort, mais il faut faire des efforts pour justement contrôler ça, puisque ça, ça fait partie de la foi. Ça, ça fait partie de la foi, et donc il faut travailler là-dessus. Le chef, il a bien spécifié, il a dit, les annaka fa'alta ma tastati, parce que tu as fait ce que tu étais capable de faire. Mais si ce que tu n'as pas eu, c'est à cause de ta négligence aussi, parce que tu n'as pas fait ce que tu étais capable de faire, tu as été paresseux, et là, c'est pas la même chose. Comme le chef, il a expliqué tout à l'heure. Il ne faut pas que ce soit à cause du fait que tu as été négligent, hein. Là, quelqu'un, par exemple, qui boit de l'alcool, qui s'en va sur la rue avec sa voiture, puis qui frappe quelqu'un, qui détruit quelque chose dans la rue, là, il est à blâmer. Parce qu'il n'a pas fait, il a fait ce qu'il ne devait pas faire, c'est-à-dire de boire de l'alcool. Il n'est pas excusé pour ça. Parce que c'est quelque chose de mal. Et même les koufars, ils savent ça. Hein? Même les koufars, ils disent, bah, l'alcool au volant, c'est criminel. Hein? Et même eux, ils disent ça, ils sont d'accord là-dessus. Même s'ils ne veulent pas interdire l'alcool, mais ils sont d'accord que, au moins au volant, c'est criminel. Hein? Et ils viennent avec des policiers avec des instruments pour souffler dedans, pour calculer le niveau d'alcool dans le sang. Hein? Donc c'est incroyable, hein? Oui, maintenant ils interdisent ici la cigarette à l'intérieur des cafés, des restaurants et partout. Les gens ne peuvent plus fumer à l'intérieur. Le cheikh il dit, Anta fa'alta al-sabab. Donc toi tu as fait les causes nécessaires, ok, et c'est ça ta responsabilité. Maintenant, bien qu'à tastati, ok, bon, fa'alta al-tastati, on a expliqué tout ça. Après le cheikh il dit, wa qawluhu, wa la yatajawazu ma khutta lahu. في اللوح المسطور كل الأشياء مكتوبة في اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم فكتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وكان شيء مكتوب ومقدر ومحدود ولا بد من وقوعه في وقته ولكن أنت مأمور بفعل الأسباب لا تتوقف ولا تقول أنا سأتوقف مع القضاء والقدر هذا لا يجوز أبدا إلا لإنسان ليس بعاقل أما العاقل فلا يمكن أن يجلس ويعطل الأسباب ويقول المكتوب سيقع فالصواب أن هذا الشيء مكتوب إذا فعلت السبب أما إذا لم تفعل السبب فلا يحصل لك شيء ها؟ ولو لم تتزوج لم ترزق الولد فالزواج سبب لحصول الولد وهكذا كل الأسباب لشيخ يدون ان اكدام il dit et personne ne peut dépasser ce qui a été écrit pour lui dans les tables préservées Donc, toutes les choses ont été écrites dans Al-Lawh al-Mahfouz. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la plume d'écrire. Et la plume a écrit tout ce qui allait se produire jusqu'au jour de la résurrection. Et ça, c'était 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc, et à ce moment-là, le trône était sur l'eau. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala était sur l'eau. Comme ça a été mentionné dans le hadith. Donc, toutes choses ont été écrites et prédestinées et délimitées. Et donc, chaque chose doit absolument se produire dans son temps voulu. Mais toi, Allah t'ordonne de faire les causes nécessaires pour arriver à ce que tu veux et pour avoir ce que tu veux. Ne reste pas là à dire, par exemple, moi je vais rester debout, je ne vais pas bouger, je vais attendre la prédestination, je vais attendre ce que Allah a décrété. Non, ça c'est pas permis. Sauf pour un être humain qui n'a pas sa raison, quelqu'un qui est déficient intellectuel ou qui est yarhamukallah, quelqu'un qui est déficient intellectuel ou qui est fou et qui n'a pas sa raison, lui il reste là, il bouge pas, c'est pas pareil. mais toi t'as la raison, hein, t'as une compréhension, t'as une intelligence, alors tu dois faire les causes pour arriver à ce que tu veux. Et donc le cheikh il dit, فَلَا يُمْكِنَ أَنْ يَجْلِسْ وَيُعَطِّلَ الْأَسْبَابِ. Tu ne peux pas rester assis et dire je ne vais rien faire, puis qu'est-ce que je veux, ça va arriver. Non, tu dois faire les efforts. Et tu ne peux pas dire, ah ça c'est le maktoub, je vais attendre, je vais rester assis, puis le maktoub va arriver. Non, tu dois, le maktoub c'est ce qui a été écrit. Hein? Et souvent vous entendez les musulmans dire ça, hein? Le maktoub, c'est le maktoub. C'est le maktoub, oui, mais si tu fais les efforts et les causes nécessaires, et que tu prends les moyens nécessaires pour l'avoir, pas le maktoub si tu restes assis puis tu attends, tu fais rien, hein. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, non, ça arrivait souvent à rire des gens comme ça. Quand tu demandes à quel, comme tu dis, quand tu demandes à quelqu'un en mariage, et puis la personne te répond, le père de la fille te répond, ah non, mais c'est pas le maktoub. C'est pas le maktoub. Comme si c'est lui qui décidait qu'est-ce qui est le maktoub ou non. Hein? Ça, c'est lui qui décidait le maktoub ou non. C'est parce que lui, il veut pas. Et puis, il veut mettre ça sur la prédestination, sur le dos de la prédestination. Non. Ça n'a rien à voir avec le maktoub. Parce que, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de faire les causes. Donc, quand tu fais les causes, eh bien, là, ça peut arriver comme ça ne peut ne pas se produire également, mais tu as fait les causes. Hein. Et ce qui est arrivé, c'est ce qui a été écrit. Ce qui va arriver, c'est ce qui a été écrit. D'accord? Donc, le chef, il dit, qu'est-ce qui est correct de dire? C'est que cette chose-là, elle est écrite pour moi si je fais les causes. Hein. Mais si je reste assis, que je ne fais pas les causes et que je ne fais rien, je vais rien avoir. Comme si quelqu'un veut avoir un enfant, puis il dit, ah, mais moi je veux un enfant, mais il fait pas d'effort pour se marier, et puis il est tout seul, hein, il n'a pas de femme, comment il va avoir un enfant? Impossible, d'accord? Parce que Allah, il a créé les choses par cause et effet. Il fait les choses par cause et effet. Si tu veux des enfants, si tu te maries, hein, et il faut que tu aies les enfants. Et même si tu te maries, hein, tu peux pas avoir des enfants, sauf en faisant les chose nécessaire pour l'avoir aussi. C'est pas comme ça l'enfant va apparaître. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas comme les gens qui pensent que les enfants viennent dans les choux ou bien avec les cigognes et les trucs comme ça. Hein? D'accord? Donc, après, le cheikh, il dit, exactement, ça implique tout. Et en fait, oui, même en arabe, le mot nikah, ça implique le mariage et ça implique aussi l'acte. Hein, intime avec la femme en même temps. Donc dans ce sens-là. Après le chef il dit wa hakadha kullul asbab, toutes les causes c'est la même chose. Si tu veux quelque chose, tu dois faire les efforts. Et donc toi en tant que serviteur, le chef il dit anta ayyuha al-'abd 'alayka fi'l al-sabab, amma an-natija fa hiya 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wa la ta'saf. إذا لم تحصل النتيجة بل ترضى بقضاء الله وقدره تقول قدر الله وما شاء فعل وربما يكون هذا خيرا لك فلا تكره ذلك وقوله فيه اللوح المستور الذي فيه كتابة مقادير الأشياء كلها وهناك مقادير جزئية تؤخذ من اللوح المحفوظ مثل الجنين في بطن أمه إذا بلغ درجة أشهر نفخت فيه الروح ويرسل إليه الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهذا مأخوذ من اللوح المحفوظ ومن الكتابة السابقة يرحمك الله. Donc le cheikh il explique pour terminer que toi en tant qu'être humain tu dois faire les efforts et le résultat il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si, qu'est-ce que tu veux, le résultat ne se produit pas, ne sois pas triste, ne sois pas désolé, hein, sois satisfait de ce que Allah a prédestiné pour toi et de ce qu'il a décrété pour toi, et dis, Allah a prédestiné pour moi et c'est ce qu'il veut qui arrive. Masha'Allah, qaddar Allah, masha'a fa'al, c'est ça que tu dis. quand quelque chose, un malheur te touche ou bien quelque chose qui arrive que contraire à ce que tu souhaitais, tu dis qaddar Allah ma sha'a fa'al. Et yani, il se peut que ça ce soit un bien pour toi. Hein, donc ne sois pas fâché contre ça ou ne déteste pas cette chose-là. Et quand le chef il dit dans Al-Lawh al-Mastour, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit la prédestinée de toutes choses. Et il y a également une autre écriture de la prédestination qui est tirée des tables préservées, hein, que les anges disons, vont écrire dans le ventre de la mère lorsque le fœtus est dans le ventre de la mère. Eh bien, les anges viennent et ils écrivent une partie de ce qui a été prédestiné pour cet enfant-là. Hein, ils sont ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala de souffler l'âme et d'écrire quatre choses. La première chose, c'est d'écrire son risque, qu'est-ce qu'il aura comme subsistance, d'écrire son terme, combien de temps il va vivre, d'écrire ses actions, est-ce qu'il sera heureux et malheureux, ou malheureux. Donc, ça c'est rapporté dans un hadith dans Sahih Muslim et Sahih al-Bukhari selon Abdullah ibn Mas'ud. Et donc, tout ça, qu'est-ce que l'ange écrit? Il le prend des tables préservées, de qu'est-ce qui a été écrit précédemment. Donc ça y est pour la question de Qadar. On fera la suite la semaine prochaine, Inch'Allah, samedi prochain. On va rentrer dans un autre aspect de la foi en l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe après la mort? D'accord? Donc, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Oui, on va le faire samedi prochain, Inch'Allah, parce que le mercredi, on a fini le livre. Et étant donné que les frères, le mercredi, ils travaillent, ils sont occupés, ils n'ont pas vraiment le temps de venir durant la semaine, j'ai décidé de pas faire de cours le mercredi. Je vais faire un cours sur PalTalk le mercredi à la place. PalTalk, c'est un logiciel qui permet de... Ouch. Ouais, c'est ça. C'est un logiciel qui permet de faire des salles avec des conférences audio par internet, oui. Oui, live. Mm-hmm.